Ésaïe chapitre 54. Réjouis-toi avec chant de triomphe, stérile qui n'enfantait point, toi qui ne savais ce que c'est du travail d'enfant, éclate de joie avec chant de triomphe, et t'es gai, car les enfants de celles qui étaient délaissées, seront en plus grand nombre que les enfants de celles qui étaient mariées, a dit l'Éternel. Élargis le lieu de ta tente, et qu'on étende les courtines de tes pavillons, n'épargne rien, allonge tes cordages, et fais tenir ferme tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité possédera les nations, et rendra habiter les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras point honteuse, ni confuse, et tu ne rougiras point, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton mari est celui qui t'a faite, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il sera appelé le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée et travaillée en son esprit, et comme une femme qu'on aurait épousée dans la jeunesse, et qui aurait été répudiée, a dit ton Dieu. Je t'ai délaissé pour un petit moment, mais je te rassemblerai par de grandes compassions. J'ai caché ma face arrière de toi pour un moment dans le temps de l'indignation, mais j'ai eu compassion de toi par une gratuité éternelle, a dit l'Éternel, ton Rédempteur. Car ceci me sera comme les eaux de Noé, sec, comme j'ai juré que les eaux de Noé ne passeront plus sur la terre, ainsi j'ai juré que je ne serai plus indigné contre toi, et que je ne te tenserai plus. Car, quand les montagnes se remueraient, et que les côtes croulaient, ma gratuité ne se retirera point de toi, et l'alliance de ma paix ne bougera point, a dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ô affligé, agité de la tempête, destitué de consolation, voici, je m'en vais coucher des escarboucles pour tes pierres, et je te fondrai sur des saphirs. Et je ferai tes fenêtrages d'agate, et tes portes seront de pierres de rubis, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Aussi tous tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera abondante. Tu seras affermi en justice, tu seras loin de l'oppression, et tu ne craindras rien, tu seras, dis-je, loin de la frayeur, car elle n'approchera point de toi. Voici, on ne manquera pas de comploter, mais ce ne sera pas de par moi, quiconque complotera contre toi, tombera pour l'amour de toi. Voici, c'est moi qui ai créé le forgeron soufflant le charbon au feu, et formant l'instrument pour son ouvrage, et c'est moi qui ai créé le destructeur pour dissiper. Nulle arme forgée contre toi ne prospéreront, et tu convaincras de malice toute langue, qui se sera élevée contre toi en jugement. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice de par moi, dit l'Éternel.